بسم الله الرحمن الرحيم. للحزبية يا أخوان أفن لها والله، أفن للخيانة، أفن للغش والخديعة، أفن لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. الرياضة وبعض مفاسدها لمفي دو سارتان سبور. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في هذه الآية وصف الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا بأنها لهو ولعب وزينة وتفاخر ومتاع، متاع الغرور. فأخي الكريم، ما خلقك الله سبحانه وتعالى إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الدنيا مليئة بالفتن، مليئة بما يشغل عن ذكر الله وعن طاعة الله. الله سبحانه وتعالى dans le verset qu'on a cité من سورة الحديد، il a qualifié هذه الدنيا de la'ib، أي c'est un jeu، وزينة وتفاخر، بل il l'a qualifié à la fin du verset أنها متاع، متاع الغرور، أي c'est des choses trompeuses، متاع. وتعلمون أن هذا المتاع لا يبقى أبدا. ومن هذه الفتن التي هجمت على أبناء المسلمين ما يسمى بالرياضة. parmi ces fitans, parmi ces choses trompeuses que Allah سبحانه وتعالى il a cité في الآية ما يسمى بالرياضة، le sport. وتعلمون أن الرياضة كما سيأتي معنا أن الأصل فيها الإباحة. الأصل c'est que هذه الرياضة c'est permis، le sport. لكن بسبب ما أدخل فيها من المعاصي والبلاوي فقد حكم العلماء كما سيأتي معنا قريبا بالتحريم، أي certains sports، certaines choses qui contredisent le kitab ou la sunna. العلماء ils nous ont démontré أن المسلم يجب عليه أن يبتعد من ذلك. وقبل هذا، avant de citer les méfaits de certains sports et حكم أهل العلم et le jugement des savants de la sunna، قبل هذا نقرأ عليكم كلام نقل في بروتوكولات حكماء صهيون، les protocoles de Sion معروفة عند بعض الإخوان. نقرأ عليكم ce نقل فقط pour vous démontrer أن الكفار قاتلهم الله ils ont un maqsad de propager cette fitna. Ils ont un gharad, ils ont un hadaf. أخي الكريم، لابد أن تكون على حذر، لابد أن تكون على علم. Ne pense pas que ce sport، خاصة نحن parle à niveau international، niveau professionnel، لا تظن أنه c'est pour propager le khayr. Mais والله c'est des enjeux économiques énormes. Et قبل ذلك c'est pour combattre ton dîn. قالوا، نقرا الكلام، ولكي تبتعد الجماهير من الأمم الغير اليهودية عن أن تكشف بنفسها أي خط عمل جديد لنا سنلهيها بأنواع شتى من الملاهي والألعاب. هؤلاء الضلال من اليهود يسيد dans leur protocole أن pour éloigner جماهير الأمم, pour éloigner la plupart des peuples, تأمل القيد qu'ils ont cité, l'exception, إلا اليهودية الغير اليهودية, pour éloigner tous ces peuples, عن أن تكشف بنفسها أي خط عمل جديد لنا, أي les éloigner des choses que هؤلاء اليهود ils font, pour les éloigner on va les occuper بأنواع شتى من الملاهي والألعاب, on va les occuper avec différentes malahi. Al-malahi, c'est des choses qui occupent, il n'y a aucune faïda. Wal-al'ab, al-al'ab, ma'roufa, des jeux. Qalu, qala wa sur'an ma nabda al-i'lan fi s-suhuf da'in al-nas ila d-dukhul fi mubarayat shatta min kulli anwa' al-mashru'at kal-fan wal-riyadha wa ma ilayh. Na'am. Qalu, leur but c'est de propager ce genre de fitan, que ce soit al-fan, la musique, les concerts de musique, tout ce qui est rapport avec le cinéma, ou riyada, tout ce qui est rapport avec le sport, etc. Et le but c'est hada. Hatta sha'b, il est occupé par ses fitan. Il apprend plus son din. Il connaît plus makr, a'da illahi al-gavirin. Il est occupé par hada. Laynaha. Et vous avez remarqué, il y a ce système qu'ils ont mis en place, min qabl, al-an, tu le vois bi-wudouh. Les compétitions, elles s'enchaînent une après l'autre. Tu trouves shabab, al-islam, au lieu d'apprendre leur din, au lieu de tlob al-ilm, au lieu de se préoccuper de l'omour al-navi'a, al-mouvida, tu les trouves, masakin, c'est des proies. Ils sont occupés l'ayl nahar. Sport, ou musique, ou cinéma, rubbama al-salawat al-khams, il ne les fait pas. Rubbama, rubbama, tu lui demandes, ayn Allah ma yadri. Rubbama, afsat ma yakoun, min al-ma'loumat, ka fahm al-tawhid, fahm. Il est occupé l'ayl nahar par ces choses. Qala inna hadhihi al-mata' al-jadida satulhi dahn al-sha'b hathman 'an al-masa'il allati sanakhtalif fiha ma'ah. Ay eux, la chacun d'eux, ils appellent à des choses, ils font des choses, ils combattent l'islam l'ayl nahar, lakin pour occuper ce sha'b, pour occuper ha'ula an-nas, il propage هذه الملاهي والألعاب. Et نحن, le sujet qu'on va traiter اليوم, c'est spécifique au sport. قال سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هكذا الكفار. تأمل قول الله عز وجل لا يزالون, أي الحرب باستمرار. الآن سان حرب, c'est pas avec les armes. الآن سان حرب avec les ملاهي, avec les الشهوات. Et wallah, wabillah, anna hadha al-harb il est ashad 'ala al-muslimin min al-harb bis-sawarikh wad-dabbabat. L'an al-adou al-zahir alladhi yuqatiluk bis-silah tubghiduh, c'est ça le qasr, tu le détestes. Limadha? L'an il te combat bis-silah, tu peux pas l'aimer abadan. Amma hadha al-adou al-an al-ghazw al-fikri, il te combat avec des choses que tu aimes. Hada, ils te combattent avec des choses que tu es attiré, car la musique, ou l'aïdou billah, ou les films, ou le sport, tous ces malahis qui sont propagés là. Ou le musulman, le ski, al-shab, il n'a pas d'ilm, il ne connaît pas sa aqida, il ne connaît pas makr al-kuffar, il ne revient pas à ahl al-ilm ou al-sunnah qui lui explique ces choses. Hada huwa al-maqsad. Min hadhihi al-kalima, c'est ça le but de cette kalima, de montrer le danger et les méfaits de certains sports. Hada, c'est muhim, khassatan à l'approche de la Coupe du Monde, al-an, cette compétition, al-haqiqa, hum, la yubaloun bihada. On a lu le kalam dans ce protocole, le but c'est quoi de ce genre de compétition? Illa pour occuper les muslimin, un mois al-an, rubbama ba'duhum yidilas salat. S'il la faisait. Rubbama ba'duhum, il allait au masjid, il ne va plus. Rubbama ba'duhum, yaghtar bima sayara min harakat al-kuffar ومن نسائهم وغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسلام. أولا, avant de rentrer dans le sujet, les méfaits, citer les méfaits, أولا حكم الرياضة. قد يقول قائل أو يفهم من هذا الكلام, est-ce que le sport c'est permis؟ قال العلامة الإمام محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى قال الأصل في مثل هذه الألعاب الرياضية الجواز. هذا الأصل سي الجواز. تعلمون أن العلماء يستصبون غير أن الأصل في الأمور المباحة سي الجواز. سيتا با دليل من القرآن ومن السنة, الأصل سي كسي بيرمي لي شوز بيرميز. قال إذا كانت هادفة وبريئة, أي سي ألي بريئة, أي يا بادي مفاسد كما هو بوا. الأصل سي كسي بيرمي. مثلا واحد يبغي يفير دو سبور, يبغي كورير, الأصل سي بيرمي. هذا سي مهم افون دو رونتخي دون لي ميفا كو تو كومبخان الحكم الإجمالي. قال ويشترط للجميع أن لا يضر بالأبدان ولا بالأنفس وأن لا يترتب عليه شيء من الشحناء والعداوة. الآن يسيت avec une condition, c'est permis que ça te fasse pas du mal. On va voir que des sports de combat c'est interdit, certains sports de combat comme la boxe et autres c'est interdit, ça te fait du mal. هذا يبير une dent, هذا ربما يبير un œil, بعضهم يبير la raison à force. من أين هذا ce sport il va être halal بشريعة الإسلام السمحة qui appelle à tout le khayr. واحد يسفي تابي تسو pendant des minutes, لا شك أن هذا سبب محرم بالكتاب والسنة وبأقوال أهل العلم. لهذا الآن الشيخ محمد بن إبراهيم في كلامه نافع جدا, لأنه يتموت خلنا لاباس دو لاشوز سي الحل لو سبور لاباس سي حلال. لكن سي يدي شوز كي فون دو مال, on a cité l'exemple de la boxe, ça devient haram, pas par le sport lui-même, là, par cette chose. Ce point là, أنه il se tape dessus خاصة le visage, ce sport il devient haram. قال ومن الشحناء والعداوة التي تقع بين المتلاعبين غالبا كذلك. Si ce sport il pousse, tu t'énerves contre ton frère, tu détestes ton frère, t'insultes ton frère, ça vous divise, ce sport il devient haram. Même si à la base c'est halal, même si le sport en lui-même il est halal, cette cause elle rend الحكم il est haram. Aïe, ce sport lui-même. C'est intime, on va citer les mafasid, لكن الآن on lit الحكم إجمالا ثم on détaillera إن شاء الله مسألة. قال ولا يشغل عما هو أهم منه كذلك. Si ce sport qui est halal à la base il t'occupe sur une chose qui est أهم, مثلا la salat, ce sport il devient haram. مثلا واحد il veut faire du sport à l'heure du asr, l'adhan, on entend l'adhan, on se dirige au masjid, les hommes, lui il va à la salle de sport, c'est haram. ولو السبور اللي حلال ولو يفي اوكل معصية لو دلسمو دلا صلاة اكوز دو سو سبور لو حكم دو سو سبور يدمي حرام لأن الصلاة اللي واجبة في وقتها خاصة سلو كان طال الأدان يدوى ريبوند أو إن شوز كي في حكم الأدان يكون الأور يدوى سخوند ومسجد. قال رحمة الله عليه وأن لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. نعم, أما فعل بعض الناس الآن يفي دو سبور دو ماتان أو سوار, il fait pas salat, il fait plus de dhikr, il est occupé l'ayn nahar par cette chose, c'est une fitna, c'est plus un sport. Elle fait du mal à son din. Elle meskine, il croit travailler son corps, faire des efforts pour faire du bien à son corps, fait le harira, il est en train de tuer son cœur. Min haythu la yadri. Et c'est là le danger de cette fitna. Un abadanas, il croit, il pense que ça leur fait du bien, fait le harira, ça leur fait que du char. Là, c'est tout bien. Combien de sportifs, ils ont fait des années, ils entretiennent ce corps. Bardoum, ils font du rouleau, ils exagèrent comme à Ta'lamoun. Ils yubtala min Allah avec Amarat. Ils perdent tout. Ou ils meurent. Qu'est-ce qu'il va dire Indallah yawm al-qiyam. Est-ce que ce cœur, ou ce corps, il va être utile? Abadan. Ce qui est utile yawm al-qiyam, c'est al-qalb al-salim. C'est le tawhid, c'est l'aqida, c'est l'ilm. Fal-hukm. الإجمالي سالحل لسبور سالحلال في الإسلام سالأوتوريزي سالمباح. لكن سي إن شوز انترديت ألي دون سو سبور كومو مابور لي مافاسيد سو سبور يدوني حرام. قال الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه فالرياضة يحتاج إليها المسلم والمسلمة في حدود الشرع. هذا كلام طيب كلام إمام. تأمل ست جملة يترجمي المسألة أي الحكم. فالرياضة يحتاج إليها المسلم والمسلمة. سأسموت خلنا علماء السنة إذا انترديس بانشبو على الإطلاق أبدا. بل سي أن بزوان سي أن بزوان. تعلموا celui qui fait jamais de sport ربما يصاب بأمراض ربما يصاب بكسل بخمول معروف هذا. لكن tout ça في حدود الشرع. Si ça fait pas du mal à ton din, tu contredis pas un verset du Coran ou un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم et il y a pas de mukhalafa, طيب طيب. بل ça peut devenir مستحب comme il a démontré le cheikh Mokbila رحمة الله عليه celui qui a une bonne niya. Ça peut devenir مستحب et il fait du sport li يقوي هذا الجسم pour الذكر pour العبادة pour قيام الليل pour الصيام pour طلب العلم. Tout ça, ce sport c'est un moyen pour faire des efforts dans son din. Hada c'est tayyib. Bien sûr, il n'y a pas de mukhalafa. Il fait du sport entre frères ou tout seul, il a une tenue shar'iyya, il n'y a pas de mixité, il n'y a pas de musique. Comment on va voir les méfaits? Hada tayyib. Bal hada sila niyya. Allez, hada nansah al ikhwan, ceux qui font du sport qui ne contredit pas de din, bien sûr, comme on va démontrer, qu'ils mettent cette niyya. At-taqawi li'ibadatillahi azza wa jal. Hada, il fait du sport pendant une heure. Pendant une heure, il est ma'jour. Bi'idnillahi azza wa jal. Lakin, al-haqiqa hi, hadihi الأزمنة كما il a démontré الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه أنه cette époque الآن le sport qui est propagé خاصة le sport niveau professionnel أبدا تسلم من المخالفات أبدا أبدا. كذلك même si c'est pas du sport professionnel لكن c'est en groupe dans des salles avec des organisations il y aura des مخالفات هذا لابد. Et on va les citer الآن إنشاءالله المنصف il comprendra pourquoi l'ulama dit ce sport il est interdit. Pourquoi l'ulama il déconseille de pratiquer tel sport. Pourquoi l'ulama ils interdisent d'assister à telle compétition. Là tu comprendras بالعلم. فالمسألة إخوان بالله المسألة كما قال سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. C'est la مسألة. C'est que si le prophète صلى الله عليه وسلم t'a autorisé une chose, c'est autorisé. Tu l'as fait. Si le prophète t'a interdit une chose, c'est interdit. Et taqillah. Ammal Allah subhanahu wa ta'ala, il a conclu le verset wa taqullah. Inna Allah shadidul iqab. Ya akhi, c'est pour ton bien, wallah. Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu fais du sport. Et yawm qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghadib alayk, ghadban alayk. Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu fais du sport, tu as gagné une compétition, tu as gagné des médailles, des coupes. Et tu khalifes le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المسألة c'est جنة أو نار. المسألة c'est tu auras des comptes à rendre في قبرك. المسألة يوم القيامة كما أخبر الله عز وجل c'est un يوم 50 000 ans. Tu auras des comptes. Le soleil se rapproche. Et tu rendras compte de chaque fait et geste. أما tu te prépares pour une compétition, ربما t'arrives pas à cette compétition. ربما الله يتبروه un autre il remporte la compétition وأنت tu sors ولا شيء. هذا المسألة c'est مسألة آخرة. فاتقوا الله يا إخوان بعد des frères. لا شك أن كثير من الإخوان ils ont été éprouvés par cette مسألة. لكن أولا اعلم أن الكفار ils ont un مقصد. الكفار ils ont un مقصد عظيم والله بل بطن خير أبدا. Et إن شاء الله on cite ces مفاسد et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'ouvrir. Min al-mafasid, à ceux qui pratiquent ces sports, min al-mafasid, al-dha'f, al-wala, wal-bara, wal-ta'assub kadhalik. Dha'f al-wala, wal-bara. Qala azza wa jal, la tajidu qawman yu'minuna billah, wal-yawm al-akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasoola, walau kanu aba'ahum, au abna'ahum, au ikhwanahum, au ashiratahum. Aqidat al-muslim, أنه يحب في الله ويبغض في الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. Tu trouveras jamais un مسلم qui aime un كافر أبدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله أي الكفر. كذلك المبتدع والعصاة pour rapport à leur انحراف. أما الكافر تبغضه مطلقا. فالآن dans ces sports الولاء والبراء il est pas fondé sur le din أبدا. Bel, al-wala wal-bara, il est fondé sur le sport. T'es avec moi, t'es dans mon équipe, ils s'entraident, ils s'aiment. T'es contre moi, contre mon équipe, ils se détestent. Wala usimina al-mu'minin al-salihin. Hada, ça m'a fait azim là. Ça prouve que ce sport, si tu ne fais pas attention, il peut faire du mal à ta aqida, il peut faire du mal à ton din, il peut faire baisser ton iman. Et ça, c'est malhoud, ma'rouf. Anna fi hadhihi al-al'ab, ba'd al-muslimin al-asaf, wallah, on l'a vu, on l'a vécu, ma'rouf. Anna muslim, il déteste son frère musulman. Libada, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un aqid min aqid al-islam, il a fait une bid'a. Illa annahu, il est dans l'équipe adverse. Hadi, c'est une belle waya jama'a. Et c'est ce qu'ils veulent, le kuffar. Lana al-kafir, il sait très bien, si cette umma, elle se rassemble, à la tawhid, à la aqida, à la mahabba, à la iman, ça va devenir une umma qawiyya. Et ça va être un danger pour eux. Lakin, parmi les moyens pour nous diviser, ce sport. Hada, il supporte telle équipe, un autre, il supporte telle équipe. Rubbama, il se hajar. Est-ce qu'il se hajar lillah azza wa jal? Abadan. Il y en a, Fulan, il a acheté le maillot de telle équipe, un autre, il a acheté tel maillot. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-imam, al-allama Muhammad ibn Ibrahim, rahmatullah alayhi. Vous remarquerez qu'on va citer beaucoup des paroles de cet imam. Il est ma'rouf. C'est le cheikh de cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahmatullah alayhi. Mufti al-mamlaka sabiqan. C'est un imam fi al-sunnah. Vous allez voir avec les occupations qu'il avait. C'est le mufti. Il travaille avec le gouvernement. Il a des cours, il a des élèves, il règle beaucoup de problèmes de la umma bi'idhnillah azza wa jal. L'importance qu'il a donnée à ce sujet. Fi majmou' fatawa, tu trouves beaucoup de questions sur le sport, sur le foot, sur la boxe. L'anna ici, rahmatullah alayhi, anna c'est un razou min al-kuffar. Wa billah alayhi, t'as besoin de faire du sport, d'aller t'inscrire dans une équipe avec des kafaras. T'as besoin pour faire du sport de porter un maillot de telle couleur, un équipement de telle couleur, aller dans tel endroit. T'as besoin de hada. Est-ce que les sahaba ils ont fait hada? Les salaf ils ont fait hada? Abadan. Ya akhi, t'as envie de faire du sport, tu trouves un frère avec un salih, t'ata'awun ma'a, vous faites quelques exercices et tawakkalu ala Allah. Qala l'imam Muhammad Ibrahim rahmatullah alayhi, bal qad yatajawaz amru tahayyuz al-ba'd ou ba'd al-la'ibin ila l'i'tida wal-qatl kama hadatha bi ihda mubarayat. Mubarayat, c'est des matchs, des parties, des compétitions. Qala jarat bi ihda al-mudun mundu shahr. وَيَكْفِي هَذَا بِمُفْرَدِهِ لِمَنْعِهَا وَبِاللَّهِ تَوْفِيقَ. La parole d'un imam de la sunna. Il rapporte que c'est arrivé à l'époque où il a dit ce kalam, ça faisait un mois. Il rapporte à l'imam Muhammad ibn Ibrahim rahmatullah alayhi, anna c'est arrivé à, ils se sont entretués pour la cause, c'est un match. L'imam rahmatullah alayhi, Muhammad ibn Ibrahim, il dit ce point yakfi pour dire que c'est haram. Il y en a une chose qui pousse à s'entretuer entre musulmans, là chaque que ça devient haram. Est-ce que le sunnah ça nous pousse à nous entretuer? Tawhid, al-ilm, al-ibadah, ça prouve que c'est des choses, ça vient min iblis ou min junud iblis. Qala ou le kalam, tout le kalam qu'on va citer c'est min majmou' fatawa Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim rahmatullah alayhi. À ce point il est muhim, ce point il est muhim. Wa tulahidouna anna le dha'f que la umma islamiyya al-an al-vi, c'est un dha'f al-wala wal-bara. Wallahi ma tasallat al-kuffar ala al-muslimin, et toutes ces fitans que vous voyez l'un dans la umma, illa al-sabab, c'est al-dha'f al-wala wal-bara. Ya akhi, fais des efforts pour renforcer ce cœur, pour renforcer cette aqida, khasatan al-wala wal-bara. T'aimes fillah. T'aimes fillah. Et tu détestes fillah. C'est ça le mizan. Celui qui suit le Coran ou le Sunnah, c'est un musulman, fait des efforts, tu l'aimes. Celui qui combat, qui contredit, qui khalaf le Coran ou le Sunnah, tu le détestes fillah. Et si c'est un kafir, tu le détestes mutlaqan. المفسدة الثانية la deuxième مفسدة التشبه بأعداء الله. À cause de ce sport, et tu le vois là, والله نحن on est au Yémen, on est à Sanaa, et on voit كثير من الشباب peuple yéméni أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. كم من أحاديث في فضل اليمنيين, tu les trouves certains de leurs jeunes, للأسف à cause du sport, wallahi, il a l'apparence d'un kafir. Il s'habille comme lui, il a la même coupe que lui, il essaye de faire les mêmes harakats que lui, et c'est un musulman. Lakin, il a été prouvé par هذه البلوى. التشبه بأعداء الله. لماذا؟ Ça y est, il n'a jamais été عند الكفار. Il ne connaît pas de kuffar, Rubama. Lakin, ce sport qu'il suit et qu'il aime, ça l'a fait changer son apparence. Est-ce que l'un, un aqil, fadlan an talib ilm muslim, un sunni, il peut prétendre que hada fitna, ce sport, il n'y a aucun mal? قال العلام حمود التويدري رحمة الله عليه قال ومن التشبه بأعداء الله تعالى اللعب بالكرة على الوجه المعمول به عند السبهاء في هذه الأزمة. نعم إلى أن يبقى طيب التبيين يدمونتر سأليب يميغار كونتر لا رسمانس الكفار ينصح بقراءته سين رسالة طيبة جميلة. Parmi les choses, il cite des points, les musulmans ils ressemblent aux kuffars. Parmi les choses, al-la'ib bil-kura, jouer au foot, au basket, tous ces sports. Lakin ala wajh al-ma'mul bihi 'inda as-subha. Lianna si il pratique un sport et il s'écarte de ma'asi, il s'écarte de al-wala wal-bara al-dhayyiq par rapport à ce sport et toutes les mafasid qu'on va citer, al-asl c'est al-hilm. Lakin la plupart des gens, hein, بل أكثر الناس بل أغلب الناس بل جل الناس كي pratique ce sport c'est à la هذه الصورة. Tu trouveras ils ont une tenue qui ressemble au kuffar. Tu trouveras ربما ils s'insultent, ils s'énervent, ربما ils هاجر وهكذا. لهذا إلى السيد هذا أنه سمين التشبه بالكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. Celui qui ressemble à un peuple il en fait partie. أخي الله سبحانه وتعالى أكرمه بالإسلام. أنت من أتباع أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم. Toi tu dois suivre الصحابة هذا الجيل هذا القرن كل قفة صلى الله عليه وسلم إلى زكي. Tu suis هؤلاء عدو من أعداء الله ملحد نجس. Tu le suis et أنت أكرمك الله سبحانه وتعالى بهذا الدين. Parmi les exemples الحقيقة c'est شيء غريب التعري. Tu trouves, il fait du sport. Il fait du sport. Thumma, ils se lavent en groupe et ils n'ont pas de vêtements. Ils sont là. Ça, c'est minat tashabbuh bi a'da' illah. Wallahi, al-awam, min al-muslimin, khasatan à l'époque, abadan yakshif awratah amam al-nas. Abadan. Illa 'inda ahlih. Amma l'an, il fait du sport. Thumma, à la fin, l'ghusl, il se lave et kul wahid yanzur ila awrat al-akhar. هذه من المصائب. وتعلمون قصة موسى عليه الصلاة والسلام أن بني إسرائيل à son époque ils faisaient le ghusl هكذا en groupe et nu et موسى عليه الصلاة والسلام c'est un nabi c'est un rasoul ils faisaient le ghusl à part حتى ils l'ont accusé أنه il a une déformation هكذا أعداء الله. والله هذا tu le vois dans le sport. Si tu fais pas avec eux ce qu'ils veulent ils t'accusent. فلماذا هذا أخي الله أكرمك بالإسلام والسنة لماذا لماذا تغابكوشي بها ولا يبونك فير دو مال يا أخي تركهم لله فيه دو سبور شي توا فيه دو سبور avec des frères فيه دو سبور إلى مخالفة et sans exagérer bien sûr. كذلك اللباس من التشبه كذلك اللباس تعلمون أن certains sports il y a ملابس خاصة. Tu prends l'exemple de la natation ils sont عريان إلا القليل وهذا الله سبحانه وتعالى ناعم والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. Certains sports, كذلك, ils mettent des shorts, ils mettent... Tout ça, c'est la même chose. قال الإمام الألباني رحمة الله عليه فإن عادة الكفار ما دام أنهم هم الذين ابتدعوا هذه اللعبة أنهم يلبسون أو يلبسون لها لباسا خاصا ولباسا قصيرا. الألباني حقيقة كلام الآن مفيد جدا لأنه يتمنى que ce sport il vient من الكفار. فلا تتمنى pas à que ce sport il va être en concordance avec شريعة الإسلام أبدا. Prends l'exemple du foot. C'est un sport qui vient de Kuffar. C'est les Anglais qui l'ont inventé, Marouf, les Européens. Dans ce sport, ils ont mis une tenue spécifique. Tu dois mettre un maillot, un short. Khasatan, arrivé à un certain niveau. Là, tu as un niveau professionnel. Tu as des niveaux qui ne sont pas professionnels. Ils obligent les matchs officiels que les joueurs soient en short. Ne sois pas étonné, le sport vient de Kuffar. Là, chacun a le Kuffar, ils ont mis leur baguette. En tant que musulman, si tu rentres dans cette chose, tu vas te soumettre à des règles min al-bashar bal min a'da illah. Alors que toi tu dois te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Qala Sheikh al-Albani rahmatullah alayhi ba'd hadha qala wa libasan qasiran la yastur al-awr. Mais il y a des sports, comme on a dit, la natation, il y a des sports, et ils ont, comme on a cité le foot, كذلك لا يستر العورة. لأن الشيخ الألباني va citer الحديث. قال فاللباس هذا يكشف عن الفخذ والفخذ الفخذ c'est la cuisse. قال والفخذ كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفخذ عورة. هذا نبيك عليه الصلاة والسلام. Il te montre أن الفخذ c'est عورة ولا يجوز كشف العورة أمام الناس. T'as pas le droit. قال فلا يجوز للاعبين ولو كانوا متمرنين لا يجوز لهم نعم ولو سيسي كل entraînement قال شغل الألبان ولو لأن بعضهم يقولون on est forcé la compétition t'es pas forcé qui c'est qui t'a dit de faire ce sport أصلا عبد ربك اطلب العلم في des efforts تنفع نفسك والآخرين et pense à يوم القيامة لكن حتى si c'est l'entraînement ولو t'es que vous êtes que deux لا يجوز لأن c'est une مخالفة لنبي الله عليه الصلاة والسلام قال لا يجوز لهم أن يلبسوا هذا اللباس القصير لا يجوز حرام. Le sport qui t'impose ce libas ça devient haram et c'est une ressemblance au kuffar. من المصائب aussi التي انتشرت جدا وجدا في هذه الأزمنة جدا c'est porter des maillots avec le nom des kuffar. Ça c'est من التشبه بهم. يا أخي الكافر تدتس تنت يا مسلم قال عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم والله تدتس ce joueur de foot ou ce sportif dans son sport il combat l'islam أحيانا يفعل أخوة أحيانا يسموك أحيانا معروف معروف فكيف أنت يا مسلم الله أكرمك بهذا الدين et tu portes le maillot de ce kafir والله هو لا يبالي بك لا يبالي بك هو il profite de toi financièrement l'argent que tu donnes il a une partie أخي اتقي الله اتقي الله سئل الشيخ العلامة صالح البوزان حفظه الله تعالى الذي يلبس ما يلبسه الكفار ويكون على ظهره في لبازه اسم لاعب كافر ولا ينوي التشبه بهم il pose la question à الشيخ البوزان celui qui porte ce maillot celui qui porte un maillot من الكفار avec le nom d'un kafir inscrit. Malhouk. Qala Shir al-Bawzan, hada ta'dimun lil kuffar. Sahih, c'est du ta'dim. Est-ce que tu as déjà vu un kafir anta min ha'oula wa min ghayrihim? Il porte les bases d'un musulman. Amadan, ils combattent les sœurs, les nahar pour le hijab. Fakayfa nahnu? On leur donne de l'importance. Sahih, anta, ils te voient en camise, ils te voient l'apparence d'un musulman, yubghiduk. Wallahi, yubghiduk. Wa yastahzi'u bik. Il se moque. Tu trouves rien d'autre à faire, mettre le maillot de ce kafir. Et tu lui donnes de l'importance. C'est du ta'zim. Qala hada ta'zimun lil kuffar ma dama yalbas al-thawb alladhi alayhi ismu al-kafir aw surata. Qala hada ta'zimun lil kafir fala yajuz hada aqla ahwali annahu haram. Muharram. Cheikh Fawzan dit le minimum qu'on peut dire c'est que c'est haram. Le minimum, ça peut devenir plus grave. Qala wa in kana yu'azzimuhu yukhsha alayhi يخشى على ردته نعم أما السيد النبطس كافر بس كذا كافر إدّت الإسلام إمسو ما يلي أنه إلّم الدين دس كافر يفوز خبوش دس كافر سردة يصعد الإسلام لأنه لا يجوز دين الكفر لا يجوز تدوى إم الإسلام تدوى إم دين الإسلام إتوس كي يرتبط عليك الإسلام الحذر الحذر يا جماعة المسألة هي كومبليكي والله بعض الناس يسون في غفلة Mais tout ce système là qui est autour du sport, c'est un système khatir dit. Et on a cité la parole de Al-Kafar Az-Zana de Al-Mulhidin, les protocoles au départ. Akhtar min hada, dans certains sports, plus grave encore, vous avez entendu le hukm de Cheikh Al-Bouzal sur les maillots. Akhtar min hada, ma yusama bit tahiyya. Certains sports, ta'lamoun, les sports de combat, ils ont un salut au départ à faire et à la fin. والله بعضهم يركع il est presque en inclinaison pour un mulhid هذا يحصل خاصة dans les pays asiatiques معروف هذا et eux ils ont une عقيدة أنه إلى أن ذل إلى خشوع خضوع لهذا البشر تعلمون أن هذا من خصائص الله مديت للصلاة الركوع tu t'inclines استسلاما لرب العالمين ثم tu fais السجود C'est deux ibadas qui sont khassa lillah. Comment tu fais un sport Ou alors c'est toi, tu ne le fais pas. Il posait cette question. Le sport, ils font cette chose. Et lui, comment il fait? Ya akhi, sauf ta aqida. Ya akhi, t'attends de poser la question. Ya akhi, truk hada. Ou alors toi, tu ne le fais pas. Tu délaisses une personne le faire devant toi. Ou alors tu t'accalles. Thomas, tu fais du sport avec lui. Ou alors tu t'attends avec lui. Ya akhi, c'est ma salat aqida. مسألة عقيدة أساسية من خصائص الله عز وجل. فلا شك أن السبور إلى حرام بل سلو الشرك celui qui fait ça تعظيما avec الخشية avec الخضوع لا شك أن هذا من الشرك الأكبر. ومن المفاسد كذلك تضيع الصلوات. Ces sports que beaucoup de jeunes pratiquent الآن c'est la cause qui délaisse الصلاة. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله سبحانه وتعالى démontre que la salat a des heures précises. Et Allah سبحانه وتعالى c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé, t'es un abd. Et t'as pas le choix في هذا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. T'as pas le choix في هذا. T'es un abd. Tu dois faire salat. Alors, et si t'es un homme, en jamaa. Okay, maintenant, ce sport, ce match, cette partie, cette compétition, tu ne fais pas le salat. Tu trouves un ikhwanina al-du'afa al-masaki, il va à cette compétition, Obama il a une tenue qui n'est pas apte. Obama il y a du monde, la mixité, des kafaras. Tout le meskin il cherche un endroit pour faire le salat. Ya akhi, taqillah. C'est pas ça le din. Ya akhi, préserve ton din. Au départ, tu vas chercher un endroit, deuxième compétition, tu vas faiblir, troisième compétition, tu fais plus le salat. T'as un adou. Nuit et jour, il te combat. C'est Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, la tattabi'u khutwat al-shaytan. Shaytan, il va devenir khutwa. Tu vas délaisser le jama'a. Thumma, tu vas délaisser une salat, tu vas la faire sortir de son heure. Rubbama, une longue compétition, tu délaisses salat. Wa nabiyu, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man taraka salat al-asr, faqad habita 'amalu. Celui qui délaisse salat al-asr, faqad. Allah, il annule ses œuvres. Salat al-asr. Il la délaisse sans aucune excuse. Mabalouk, le sport. Est-ce que le sport c'est une excuse? Billah alaykoum. Hatta celui qui veut faire du sport sans mukhalafat. Tu fais maintenant salat al-asr, toi tu fais un peu de sport. Aïn al-mani. Lakin al-kuffar la yubaloun. Al-kuffar la yubaloun. Falihada, pratiquer le sport avec le kuffar, c'est un danger pour ton dîme. Lakin al-kafir la yubaloun. Il y a un match de foot maintenant, il va le mettre avant l'asr et le match, rubbama, ça dure jusqu'au maghrib. L'heure elle est sortie. Kayf taf'al? T'as gagné le match, طيب. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, t'as gagné le match, t'as perdu tes amal. Tu meurs, tu rentres chez toi, tu meurs. Mada tab'al. T'as perdu din wa dunya. قال l'imam, al-shaykh al-allama Muhammad ibn Ibrahim rahmatullah alayhi, thabata ladayna muzawalatu li'biha. Aye, al-shaykh Muhammad Ibrahim, l'an, vu qu'il travaille avec le gouvernement, ils ont su. Ça, c'est fait dans leur village, Rabbama, dans le Mamlaka, l'Arabie Saoudie. Ma balouk les autres, barak l'Ori. Thabata ladayna muzawalatu li'biha fi awqat al-salat. Ils ont des preuves que ba'd al-nas, ils pratiquent ce sport pendant le salat. Qala mimma tarattaba alayhi tark al-la'ibin wa mushahidihim lis-salat ou lis-salat al-jama'a ou ta'khirihim ada'iha an waqtiha. Ceux qui pratiquent le sport et ceux qui regardent, ils délaissent le salat. Ou, بعضهم يدلس با لكن يغتر لدو سيغرار أما سوك الله دلس إلي على خطر إلي على خطر. قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما سوك الله دلس والعياذ بالله سمن الردة من نواقض الإسلام دلس الصلاة. قال ولا شك في تحريم أي عمل تحول دون أداء الصلاة بوقتها أو يفوت فعلها جماعة ما لم يكن ثم عذر شرعي. شيخ محمد إبراهيم إمام في السنة يدمون خنا إن شوز كي تنبز دو فيغ صلاة كي تنبز دو فيغ صلاة جماعة أو في وقتها سي إن شوز كي حرام نبورت كل شوز نبورت كل شوز الصلاة سي الصلاة في وقتها وفي جماعة إن شوز كي توكب عن هذا سا دوني حرام سوف سلوي كان عذر من مرض أو خوف أو مطر. هذا معروف الأعذار. أما السبور بالله عليكم السبور يكور une heure derrière un ballon et il a délaissé ركن من أركان الإسلام Allah, il a cité Arkan Islam, il a cité Salah. Il délaisse pour courir derrière un ballon. Ou pendant une demi-heure, il se fait taper dessus ou un nasimbur. Et il délaisse Ibadat Rabbil Alam. La haqiqa, l'aqil, celui qui réfléchit, la haqiqa, les sportifs, khasatan de haut niveau, la haqiqa, il a pitié pour eux. Khasatan, c'est un musulman. Allah, le hal, il est à plaindre. Fadlan, il met leur maillot, il les supporte. Abadan, c'est un kafir, il est au bridou. Lakin, son hal, al miskin, dans la chose qui s'est engagée, son hal, la haqiqa, il est à plaindre. Lakin, akhtar al nas, la ya'lamou. Mais ma facit, kadalik, at taswir. من مفاسد الرياضة فعمل المفي كذلك لفوتو تعلمون أن السيستم خاصة السيستم بروفيسيونيل معروف أنهم يفيلم يبخن دي فوتو الفوتو سي حرام يا أخي الكريم الفوتو سي حرام حتى الانسكريبسيون أحيانا انسبو انسكريبسيون يدمان دون فوتو سي ان كوز سي حرام سي با ان ضرورة le permis de conduire le passeport la carte d'identité تصبير سي ان ضرورة أما كي سي كي تا دماندي de t'inscrire à ce sport. Pour courir, il demande une photo. Il n'y a aucun lien. Mais c'est harb min al-kafar. Et بعض المسلمين تأثروا بهم. Il veut faire du sport, cours, ma akh. Cours. Toi, tu viens, tu fais salat, tu t'lob al-ilm. Amma, il faut payer. Al-adib kadhalik, c'est que certains sports, c'est payant. Les sports, hakada collectif, c'est payant. Des licences, rubbama, wahid, il n'a pas d'argent. Il paye, il donne sa photo. Tu demandes pourquoi, anta, tu t'attends. Il te dit, c'est pour faire du sport. Qala. رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين أو المصورون أشد الناس parmi les personnes qui auront le plus grand châtiment يوم القيامة ceux qui prennent ces photos أو il se fait photographier et il est راضي كذلك لأنه يتعاون على هذا الإثم العظيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله مشاهدة المباريات فيها شيء من السفه. صحيح سلي فبل دسبري في الحقيقة السفاهة. شيخ ابن عثيمين يموت خلنا celui qui regarde هذا c'est من السفاهة. صحيح أري الفائدة ربما يد حرام ولا شك سجي حرام سين فوتو وربما يد لامكستي. تعلمون أن الكفار vous avez remarqué que dans ces compétitions دائما ils filment des femmes دائما خاصة يختار واحدة لجميلة une tenue qui attire كذا et la filme ساعات إلا لفتنة الناس. لهذا قال ابن عثيمين فيه شيء من السفاهة بل سفاهة بعينها. كذلك من المفاسد تضييع الوقت. صحيح كم من أوقات كم من أوقات والله الناس سبورتيف نحن بار المسلمين أما الكفراء يفي دو سبور ويفي با سبور سان كافر إلي في النار لكن نحن بار المسلم والله ميتخ سوتون في العلم ينفع نفسه وينفع الأمة الإسلامية ولو يمدخل أمواتي ولو يمدخل أن ديزيام والله ينفع ينفع. أما ضياع ضياع ليل نهار سي في باتسبور يغدر خاصة avec مصيبة الانترنت الآن سي المصيبة أنه يفو نابورت كل سبور نابورت كل بارتي نابورت يغدر إلى لهم هذا الانترنت يغدر ضياع. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. دو نعمة كثير من الناس يسون مغبون فيها أي إذا بار لامبورتونس يسون بيغبون لأن سي نعمة الله سبحانه وتعالى يدومون راديكم الصحة لا بون سانتي والفراغ الوقت بالله عليه سبيت كوا تحج يوم القيامة من الصباح إلى الليل tu pratiques ce sport ni صلاة ربما tu délaisses tes parents ils ont un حق sur toi pas d'عبادة pas de ذكر. بعضهم حتى العمل يتخاوي بلو لأنه إذا أكيبه بار السبور يفو دفنير ان سبورتيف دو أو نيفو. قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. سئل الشيخ صالح البوزان حفظه الله عن مشاهدة أو حضور مباريات الرياضة أي لي كومبيتيسيون إذن ماذا الشيخ بوزان لفت داسيستي دو رغاردي sans pratiquer, mais celui qui pratique il est vraiment صعيبة avec toutes les mains facilités qu'on a cité لكن celui qui assiste qui regarde. قال الشيخ البوزان لا خير فيها يا أكن بيان لا خير فيها والله بل فيها فتن ومشاكل. قال لا فائدة فيها إلا ضيع الوقت celui qui veut perdre son temps va devenir un فارغ il a aucun but aucun objectif il suit هكذا le troupeau il assiste à ses compétitions ضيع لا ذكر لا صلاة لا عمل صالح لا هدوء أبدا siya, des mukhalafat, ça insulte, ça se bat. Et arrête un musulman. Wallahi, ba'd al-uqara min al-kuffar. Certains kuffars, il leur reste un peu d'aql. Wallahi, ils sont contre certains sports. Et il ne perd pas son temps à ça. Rubama il lit, rubama il fait des choses, et il ne perd pas son temps avec hadha al-dhaya'. Ma baluk anta fi muslim. Lil-asaf, ba'd ikhwanina min ahli sunnah. من أهل السنة فالسنة إذا أسأل فيه ربما يضيع صوته بهؤلاء الفراء. وقال شيخنا الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله تعالى نصيحتنا لهم بطلب العلم هذا صادر من فراغ أي ceux qui ils ont posé la question à Cheikh Yahya, ceux qui regardent des compétitions foot ou autre, قال نصيحة سيكة طلب العلم. لماذا يرغب في compétitions؟ لأنهم ils sont à la faraq, ils n'ont rien à faire. Wallahi, un talib al-ilm qui est occupé, il délaisse des choses mauvaises, mais naoum wa akl. Rubama, il ne voit plus ses parents, rubama, il ne voit plus sa famille, illa, les anahu, il veut hafid ala hada talib. Fadlan, il perd son temps des kuffars qui courent derrière un ballon. Fadlan, an hada. Qala, Shaykhuna Hamidahullah, walladhi la yamla waqtahu bil khayr wal ilm, yadhi alayhi waqtahu wa yadhab bi ghayr fa'ida. Ça c'est une qaïda. Si tu n'occupes pas ton nefs par du khayr, par l'ilm, par le Coran, par al-hifz, par l'amal salih, des choses mauvaises que tu as besoin, travail, occuper de ta famille, si tu ne t'occupes pas par hada, tu seras occupé par dhaya, tu seras occupé par fitan, tu seras occupé par al-shahawat ou al-shubuhat. Min al-mafasid kadhalik anna hadhihi al-al'ab yusahibuha kathiran akhtar ala al-abdan. Beaucoup de ces sports, c'est un danger pour ton corps. Prends les exemples des sports de combat, ou que, comme la boxe, il se tape sur le visage, ou hatta des autres combats où tu peux te blesser, la shakanahu c'est haram. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. T'as pas le droit de te faire du mal. Abadan. Ce corps, c'est une amana. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé. Je sais pas ce que tu veux, abadan. فلهذا السويسيد سي حرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر طبعا تفير دو مال طبعا تفير دو مال للزوت. قال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عليه وما يصاحب اللعب بها من الاخطار على ابدان اللاعبين بها نتيجه التصادم والتلاكم. يا دي سبور تعلمون يا دي كونتاكت دي كونتاكت كي بليس كوم لو رودبي كوم لو فوت يا دي سبور كال Mulakama, la boxe, le but c'est de blesser l'autre. C'est ça le but de la boxe. Le but c'est de le mettre KO. Tu le blesses. Tu peux lui casser le nez, tu peux lui casser une dent. Tout ça c'est muharram fi shar'illah. Et akhi, ne suis pas les vagues. Sport de combat qui te fait du mal, ou tu fais du mal, là il joue zoulef. Qui c'est qui t'a autorisé hadha? Qala, ma'a ma sabaqa dhikruhu. Non, avec toutes les mafasides, maintenant tu prends l'exemple des boxeurs, ils sont en short, il y a de la musique, il y a sa photographie, il y a de la mixité dans la salle, tout ça c'est haram. La chèque, on arrête. Lakin, un ce point précis, قال فلا ينتهي اللاعبون بها من لعبتهم في الغالب دون أن يسقط بعضهم في ميدان اللعب مغمى عليه. Ça arrive, هذا. Tellement, plus on avance, vous avez remarqué, plus les compétitions elles sont dures. Je trouve certains sports à la fin, ils tombent. Yurma alayhi, ils perdent connaissance. Bel Bardoum, ils sont morts. Dans certains matchs de foot, des joueurs professionnels, ils ont perdu la vie. Hakada, khasatan, ils prennent des drogues, ils prennent des choses, et tellement ils ont mis la barre haute, leur corps ne suit plus, Rupama, il se fait du mal, Rupama, il meurt. Alors, ce joueur de foot qui est mort dans ce terrain, Mada Sayakoul. Si c'est un kafir, c'est un kafir. Si c'est un musulman, ماذا سيقول؟ بعض الناس الله سبحانه وتعالى les akram, il meurt في سبيل الله. هذا il meurt dans un terrain de foot. قال أو مكسورة رجله أو يده وليس أدل على الصدق هذا من ضرورة وجود سيارة إسعاف طبية. نعم صحيح. الدليل على هذا c'est quand les matchs de foot مثلا أو l'athlétisme أو la boxe. Anahum, autour du terrain, il y a des ambulances. Et ici, le but, c'est qu'il se fasse du mal. Il prépare déjà l'ambulance. Et tu trouves sa vie, il se fait du mal, et c'est lui qui va monter dans cette ambulance. Est-ce que ça rentre dans l'aql? Il y a des grosses sommes en jeu. Oublie pas ton dîme. L'argent, ça vient, ça part. Oublie pas ton dîme. y a des grosses sommes en jeu, lakin kadalik il y a le jannah ou le nar en jeu. Fariqun fil jannah ou fariqun fil sa'ir. Min al mafasid kadalik as-sab wa ash-shitam. Anna dans ces sports, la plupart des sports, ben tous les sports, hein, ils s'insultent. Khasatan les sports collectifs. Ils s'insultent et ils s'accusent et ils parlent mal. Hada la yajuz fi dinina. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا تمأمور بالقول السديد أي المنضبط كلامي لأساب لا sans insulter sans faire de mal aux gens. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Insulter un musulman c'est من الفسوق. Pour un ballon المشكلة أنه il insulte pas lui فقط ربما pour un ballon il insulte son ascendance son père son grand-père il a ما شاء الله pour un ballon. هل هذا سي مشروع؟ قد يقول قائل مو جنسلت با لكن سي تنسلت با تتفرع انسلتي فلا يجوز لك حضور مجالس الزور تطلوا هذا داسيستي ا سي مجالس ا سي كومبيتيسيون ا سي سيريموني لا يجوز لك لان فيها الزور خاصة سي اون ريكابيتول توت لي مفاسد كذلك بوكو مفاسد نحن اون ريزوم لان الوقت في الحقيقة ذهب اتلاف المال des sommes énormes. Wallahi, des sommes énormes. Maintenant, cette Coupe du Monde l'un qu'ils organisent, c'est des milliards. Hier. Le peuple brésilien, comme à Ta'alamoun, Katir Minoum, il meurt de faim. Katir Minoum, c'est des drogués, ils sont malades. Bardahoum, ils ont le sida, wal'ayadu billah. C'est un peuple, il est ma'ouf. Annahou, il est fit'ab wa ta'as. C'est des kuffars. La Coupe du Monde, l'un, le peuple, beaucoup du peuple, ils ne sont pas d'accord. L'un, vous avez vu aux informations, il y a des grèves, il y a des. Lakin, les kuffars, ils ont un but, il y a des sommes énormes. Eux, ils pensent la publicité. Telle marque, elle va gagner tant. Les joueurs, ils vont gagner tant. Et le peuple, yamour jou'an. C'est ça leur sport, l'an. Khassatan les sports professionnels. D'ailleurs, à moi, l'an, ils n'ont pas de quoi boire. Wallah. Dans certains pays d'Afrique, ils n'ont pas de quoi manger, pas boire. Je trouve à Oula des milliards pour cette compétition, Farab. Ils courent derrière un ballon. Certains joueurs, ils touchent des millions par an. Des milliers d'euros par jour qui touchent. Tu trouves واحد مسكين يتعب من الصباح الى الليل يا الله il arrive à s'en sortir. C'est une fitna. C'est pour ça بعض الشباب il espère arriver à هذا. يا اخي même si tu arrives اخي المسلم même si tu arrives tu te feras du mal. Tu arriveras jamais خاصة le sport professionnel. Oublie yana, tu vas salir en jamaa, tu vas salir à l'heure, tu vas faire siyam. تعلمون ان dans certains clubs que ce soit foot, boxe, basket quand ça arrive Ramadan ils font pas ça. Ils vont voir des muftis min ahl al-dhalal, min ahl al-bid'a, min ahl al-inhira et leur font une fatwa, tes joueurs c'est bon, ils ont une excuse, ils peuvent manger. Et de laisser un rukn min arkan al-islam pour courir derrière un ballon. Sallallahu alayhi, on est dans un zaman al-haqiqa, ça rend triste jiddan. Min al-mafasid kadhalik al-raqs wa al-musiqa, la musique, les applaudissements. Ben il y a juste un homme il applaudit. At-tasfir c'est les nisa. كذلك السفل ساسمين المشابهة بالمشركين كذلك الاختلاط الاستاد مثلا يلا ميكسيتي ايه للأسف ايه والله هذا سارنتخيز جدا احيانا ان دنو فخير من اهل السنة الى ميليو دو هؤلاء المجرمين. على كل حال اخي الكريم par rapport à la compétition qui arrive الان ce qu'ils appellent la coupe du monde. يا أخي لا تضيع وقتك والله هنا ضعف هنا ضعف كبير في العلم هنا جمال أتخبي دي طن pour apprendre notre عقيدة apprendre التوحيد العبادات. يا أخي اتق الله cette coupe du monde الآن qui arrive c'est pour t'occuper خاصة cette année elle arrive avant Ramadan. السلف كما تعلمون ils se préparaient avant Ramadan et ils étaient heureux Allah subhanahu wa ta'ala les وفق de faire صيام Ramadan. لأنه سان شهر الله سبحانه وتعالى يغفر لي بيشي يا une nuit elle est meilleure que 1000 mois. السلف ils étaient pressés et ils faisaient des efforts جدًا pour ce char. انتبه cette année avant رمضان il y a la coupe du monde. انتبه ça t'occupe. انتبه الكفار c'est ce qu'ils veulent هم ils ont pas حول صيام ولا قيام ولا صلاة c'est des كفرة لكن انت t'es مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام آتاكم شهر رمضان تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم. هذا الشهر العظيم النبي صلى الله عليه وسلم سيندليل أنه يبخي في الصحابة آتاكم شهر رمضان الآن إلى غير Et il leur démontre un des fadl, min al-fada'il, les portes de Sama, elles sont ouvertes. Et les portes de Jahim, elles sont fermées. De l'enfer, elles sont fermées. Hey, c'est un charme, tu peux faire du khair, jiddan. Allah il pardonne les péchés, Allah il t'élève, il est là, si t'es sincère. Intabi hadha dhaya. Char al-Ramadan, tu t'en profites, tu révises le Coran, t'apprends ton din. S'il y a des cours, t'assistes à des cours, tu fais du khair, tu prends soin de tes parents, de tes enfants. Avec cette chose qui médiatise, jiddan al-an. Wallahi alhamd, avec cette kalima, on espère que beaucoup de nos frères, wallahi alhamd, ils savaient ces choses, et ceux qui avaient une rafla, on espère que ça les a réveillés. Fashtahid, akhi al-karim. Ijtahid, la chose que tu dois le plus faire des efforts, c'est islah qalbik. Rentre dans le système des koufars pendant des années, ils pensent qu'à leur corps. Vous avez remarqué, hada les koufars? Le sport, la chirurgie esthétique, tout c'est autour de leur corps. Wahida minhum min al-kafirat, elle reste 3 heures devant un miroir, elle se maquille. Kuffar, ils ont rien à faire. Anta, t'es un musulman. Anta, t'es un musulman. Anta, ces heures que ces kuffar, ils passent. Daiman, eux, ils font attention qu'à l'apparence. Anta, tu les passes, wa tuslih qalbak. T'apprends ta aqida. T'apprends ta tawhid. Tu passes des heures, bi'idhnillah azza wa jal. Hatta, tu soignes ce cœur. Il y en a nos cœurs, ils sont malades. Cette époque qu'on vit, il est fitel. Namina, il a des dounoub, il a des faiblesses. On passe du temps et on renforce ce cœur. Amma l'apparence, la tanfa'i yawm al-qiyamah. Ta'lamoun, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akhbara anna yawm al-qiyamah ya'ti al-rajul al-samin al-dakhm. Ay, il a un corps dakhm, samin, il est costaud. Ya'ti yawm al-qiyamah la yusawi inda Allah janah ba'oud. Inda Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas le poids d'un moustique, ou l'aile d'un moustique. Janah ba'oud. Aïna ce sport, des années, aïna. Oula, aïna. Rupa muslim, tu le vois. Dha'if le jism. Rupama c'est Shayba, une vieille personne, ajouz. Inda Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, il a fi ad-darajat al-ula. Al-nasiha, al-nasiha, al-ijtihad, fi tasfiyat hadhi al-qulub, wa tanqiyat hadhi al-qulub. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين مع تحية دماج أفاخ.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين